Mais, pour que le fils du grand Turc soit son gendre, M. Jourdain doit être anobli et devenir mamamouchi, cérémonie en danse et en musique, au cours de laquelle M. Jourdain, habillé en Turc, va être à nouveau abondamment ridiculisé. Et c'est dans ce nouvel état que Mme Jourdain retrouve son mari.